bon écalé, pour ça d'Italie, nous jouons à inhaler, pour régisonner sur Paris. Photo si tu savais combien de fois je pense à boucler la valise. On nous visite dans la vallée, on a la queue trop, faut pas que tu balises. Faudrait que tu réalises qu'est-ce qu'on a fait pour le rallye. Je ne crois pas d'heure, j'ai dérangé la voisine. Je vais poser mon cash dans la bassine. Et je m'attire des culs sur le magazine. Si un jour les keufs ils me cuisinent, quatre ballons nique les magasins. Pour qu'est-ce qu'on ramène la bouteille en piscine. Garde-moi la caisse, je suis défoncé. Je suis dans la tête, je vais rentrer. Ça vend la semaine, il faut du blé. Tout dans la tête, où tu vas payer. Ma chérie, tu me connais. Tu veux finir chéri. C'est pas le gros poney. Combien sont ta fleur. T'as grand chose à donner. J'aime bien quand tu me fais. Et à part la peur, y'a rien d'autre qu'un fleur. Le camus d'enfer. Ruine à rédompte. Elle a le boulot en fait. T'as rien à grandir. Le camus d'enfer. Ruine à rédompte. Elle a le boulot en fait. T'as rien à grandir. J'ai bien grandi depuis la naissance, ouais. Je mets tes économies dans mon essence, wesh. Y'a de la frappe, la puissance, fait qu'à faire, regarde, c'est qui est en dèche. RS3, les condés donnent le fou rire. On maîtrise le manège un peu comme les forains. Quand c'est trop miné, mon pote, faut courir. Tout le long de la tôle, quand je finirai serein. Ça finit de détailler la quête. C'est nous pour frimer sur la côte. Faire ça, j'ai ou bien je mets la coste. Et si je le mets, je ne fais pas la fête. Ça finit de détailler la quête. C'est nous pour frimer sur la côte. Faire ça, j'ai ou bien je mets la coste. Et si je le mets, je ne fais pas la fête. Garde-moi la caisse, je suis défoncé. Je suis dans la tête, je vais rentrer. Ça vend la semaine, il faut du blé. Tout dans la tête, où tu vas payer. Ma chérie, tu me connais. Je veux finir chéri. C'est pas le gros poney. Combien sont ta fleur. Pas grand chose à donner. J'aime bien quand tu me fais. Et à part la peur, y'a rien d'autre qu'à fleur. Le camos d'enfer. Ruine à rédompte, elle a le boulot en fait, t'as rien à grandir. Le camos d'enfer, ruine à rédompte, elle a le boulot en fait, t'as rien à grandir. Le camos d'enfer, ruine à rédompte, elle a le boulot en fait, t'as rien à grandir.